Bonsoir à toutes et tous, ça y est, il est là, en chair, en os, tout bronzé, comme s'il était passé dans un petit barbecue. Voici Huggington qui est de retour de vacances et oh, attention, ça va voler où ce soir. Tous les mardis de 18h à 19h, présenté par Huggington et Guillaume. Galaxy avec un instant justement, donc notre émission Earth and Soul, on fait partir des trucs et ça part pas du coup. Donc, c'est toujours comme ça à 18h. Ah, oui. Comment ça va mon petit Huggy? Ça va et toi Guillaume? Bien revenu de vacances. Bah écoute, fraîchement. Fraîchement, tiens. Ouais. J'ai ramené le soleil. Oui. Ouais, ça on pourra pas me le reprocher en tout cas. Je te ramène la mer. Bon alors là-bas, dis-moi, est-ce que tu as appris un petit peu à danser les danses traditionnelles Ouais, du côté, ça bouge pas mal du côté du Cap Vert. Hein. Ouais. Il y a des sons assez comiques là-bas. Bon, moi je veux voir. Je veux voir ta chorégraphie sur ça. Bah, j'attends Enzo pour faire la choré parce que je suis toujours avec lui quand je danse. Attends. Eh, je suis sûr que c'était. Je t'ai parlé d'un morceau, je suis sûr que c'était celui-là. Oui. Ouais, j'ai tapé. C'est dans le même esprit, tu vois. C'est un peu dans le même esprit. Bon, c'est pas mal. Alors, on va remettre. Il y a pas mal de sons un peu olé-olé, accordéon, beaucoup fort rythmé en fait. D'accord. Vraiment, bah là, tu vois, à peu près à la vitesse. Ouais, c'est des trucs que joue Enzo Postiga en général. Ouais, tout à fait, le très olé-olé, quoi. Il va nous traiter, ouais, c'est pas grave. Bon, alors, programme de cette soirée spéciale ce soir, dis-moi un petit peu, vu que c'est l'avant-dernière, donc voilà, programme chargé, en plus, on a un peu zappé une émission la semaine dernière, donc on a raté quelques news, surtout que l'été approche, donc l'été, on le sait souvent, riche en bonne production juste avant les vacances, donc difficile de faire un choix, mais bon... Il a fallu fait. En faire un, voilà. Bien sûr. Il l'a dit, il l'a fait. Donc la première demi-heure sera consacrée, on va citer les artistes que vous allez entendre. Il y aura du Peven Everett, il y aura Moody Monk, et non pas Moody Man, pour ceux qui connaissent. Il y aura du Gorge, il y aura Melchior A, et il y aura enfin le coup de cœur, on va pas l'annoncer, on l'attendra pour la fin. Ça sent bon le sable chaud, tout ça. Ah, c'est sûr. En tout cas, dans la deuxième partie de l'émission, il y aura un petit mix à l'ancienne, avec quelques classiques qui collent plus ou moins avec l'émission. Une bonne petite rétro house. D'accord. Et du vinyle. J'ai fouillé un peu. Ouais, j'ai vu que tes bras étaient un petit peu tétanisés en montant ici. Ouais, voilà, ouais. J'ai eu du mal. Hein. À l'ancienne, quoi. Donc, ça sera pour la deuxième partie d'émission. Ensuite, l'agenda avec un week-end bien chargé. Beaucoup de bonnes soirées. Si vous savez pas bouger, en tout cas, pour l'instant, vous avez rien prévu. Vous aurez de quoi faire, à mon avis. Et on finira par un track remember quand même. Hein. On va pas changer d'équipe qui gagne. Bien sûr, exactement. Allez, c'est l'avant-dernière émission de la saison avec Huggington en direct et on vous accompagne jusqu'à 19h, voire un petit peu plus. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. On commence bien calmement, bien langoureusement. Higgins. Avec un très bon chanteur, notre ami Peven Everett, qui est aussi habile de ses mains que de sa voix. C'est donc le titre Hit Up, dispo sur le label Bombay. Très bonne sortie digitale, qui tombe déjà bien sur le track source. C'est déjà bien placé dans le top 100. Then I can't play just to escape the pain. Once in a while I picture your lovely frame, 'cause you got my heat up, heat up. Girl, you got my heat up. And I love it, move that groove, bang. I love it, move your groove, bang. The groove, bang. You're there when you groove, bang. I love it, move that groove, bang. Avec un instant la première news de la soirée. J'ai même perdu le papier, mais je suis sûr que tu vas rattraper ça, Guy. C'était donc Péven Everett avec le titre Hit Up. C'était dispo sur le label Bombay, un très bon label qui avait rien sorti depuis un bon moment. En tout cas, maintenant ils se sont mis au digital également. C'était ben, tout simplement idéal pour commencer l'émission avec un bon petit rayon de soleil. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Très très bonne sortie encore une fois de Moody Monk. On ne sait pas trop qui se cache derrière ce personnage aussi mystérieux que le premier d'ailleurs. En tout cas, on sait qu'il vient de Liverpool. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant sur lui. D'ailleurs, vous allez le retrouver dans l'agenda parce qu'il est dans le coin pour ce week-end. Mm-hmm. C'est donc le titre Thumbs Up, dispo sur le label Tsuba Recording. Tsuba Recording qui est le label de Peace Division. Donc excellent label également qui sort pas mal de prod en ce moment, toujours dans un très bon esprit musical, très house. En tout cas, c'est déjà la deuxième et ça pouvait obligatoirement être que dans cette émission-ci. Hein. C'est parti. Earth and Soul. Alexis, avec un instant la deuxième news de la soirée. C'est sorti ou c'est une promo encore Ça sort dans 2 semaines. D'accord. Donc c'est Moody Monk avec le titre Thumbs Up, dispo sur le label Tsuba, dispo uniquement en label digital. C'est d'ailleurs une très bonne production et très bon label à suivre. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Un des récurrents de l'émission, hein, on peut l'appeler comme ça. On va pas dire un des résidents, mais un des récurrents. En tout cas, c'est notre ami Gorge avec le nouveau titre qui est sorti d'ailleurs la semaine dernière, mais fallait pas passer à côté, donc je voulais absolument mettre dans l'émission. Uh-huh. Le titre, c'est donc Iomid. C'est dispo sur le label anglais Plastic City, très très bon label. Bah, qui revient, c'est en ce moment à l'actualité, donc ça ne pouvait que passer qu'ici. C'est donc Plastic City avec le titre c'est Gorge et c'est dispo. Dès la semaine prochaine. Avec une petite montée d'adrénaline dans le break ? Une bonne petite montée d'adrénaline, mais il m'a demandé d'attendre 5 minutes avant d'en placer. Parce qu'il n'était pas encore chez lui. Ah d'accord, ok. Ah oh, merde. We'll be right back. Galaxy avec l'instant, la troisième news de la soirée avec un artiste Gorge qui sera présent notamment d'ici quelques semaines dans la région. Petite info exclusive. Petite exclue, petite. Voilà. Scoop. Le 5 septembre, vous pourrez retrouver notre ami Gorge pour une soirée bien spéciale du côté de l'Escape. Ce sera d'ailleurs dans un cadre art and soul, on va dire. En tout cas, il sera présent chez nous. Donc, pour ceux qui veulent l'entendre, rendez-vous le 5 septembre. Et c'était le titre donc Iomid, dispo sur le très bon label Plastic City. Mais je pense que maintenant, il ne sort plus de vinyle. Ah bon ? Quoique non, je dis des conneries. Celui-là, il sort en vinyle. J'ai vu la pochette sur Juno. Donc, autant pour moi. D'accord. Dispo en vinyle et en digital. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Earth and Soul. Ah, ça gribouille ce soir, ça gribouille. En tout cas, là c'est du très lourd. On revient en France avec un artiste issu encore de la région lyonnaise. Vraiment une région très productrice en bon artiste deep house. C'est un peu olé olé, ça fera plaisir à certains. En tout cas, notamment à Rodolphe d'ailleurs. Good morning. C'est donc Melchior A avec le titre Njaka Vibes, dispo sur un nouveau label, le label Razzana, c'est un label digital. En tout cas, félicitations à ceux qui ont eu leur bac. Je voulais dire, c'est leur baccalauréat. Ouais, leur baccalauréat. En entier, faut le dire. C'est un peu plus dur sinon. Yes, space is seen and the new style we are bringing. Seen, hand up there. Whoops, I'm ready for party. When I rap in a blade, watch out now. Yes, people sing. Big up all the baby man of them. Yo, well, massa, I've been missing. Well, then, massa got me a big gift. Thanks and praise for me, baby man. Big up all the baby man of them. Yo, well, massa, I've been missing. Well, then, massa got me a big gift. Thanks and praise for me, baby man. Yes, see a space to see, and the new style we are bringing. Seeing, hand up there. Whoops, I'm ready for party. When I'm rapping up here, watch out now. Yes, yes, people see, big up all the baby man of them. Yo, well, massa, I've been missing. Well, well, then, massa got me a big gift, thanks and praise for me, baby man. De la nouveauté sur Galaxy dans l'émission Anton Solo en direct avec vous depuis 18h avec Huggy Anton qui est de retour de vacances, on ne le dira jamais. Ça sent l'été d'ailleurs ce morceau. Hein. Carrément. Bon alors c'était quoi déjà ce truc? Donc c'est Melchior A avec le titre Njaka Vibes, une très bonne sortie, c'était dispo sur un tout nouveau label, le label Radzana, nouveau label digital. C'est dispo sur Tracksource. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Ça va envoyer pour cet été. Hein. Ouais, un peu rythmé déjà. C'est donc DJ Grégory et Gregor Salto avec le titre Con Alegria. C'est une toute nouvelle sortie dispo sur le label Defected. C'est frais de cette semaine ou de la semaine dernière. En tout cas, ça risque de bien tourner cet été. C'est très très bon. C'est encore du grand Grégory. En ce moment, c'est déjà la deuxième production qu'il fait Gregor Salto. À mon avis, ils se sont trouvés ces deux-là. Et ça ne pouvait être que le coup de cœur en tout cas. Vous pouvez vous lever, sortir si vous êtes coincé à Carrefour et aller danser dans la rue, c'est parti. Et faites pas non plus de salto en direct, sinon vous allez vous retrouver en béquille. Alexis, avec l'instant le coup de cœur, hein, ça promet pour cet été. C'est bien efficace en tout cas. Hein. Ouais, on peut danser là-dessus. Hein. Bouger son corps, bouger ses petites fesses, assis sur un bureau de chaise, sur un rocking chair. Ah oui, pas mal ouais, la photo. Non, ouais. Faut mettre la burqa quand même. C'est le déhanché. Ah non, je croyais que c'était manche. Non, c'est hanche. C'est manche. On peut mettre son manche dedans alors. Tu es pris comme un manche sur celui-là. C'est peu de le dire. Enfin voilà, c'était donc DJ Grégory et Gregor Salto avec le titre Con Alegria, dispo sur le label Defected. Bah, un label qu'on ne présente plus en tout cas. Non, c'est clair. C'est parti d'ailleurs des grands classiques house. Ouais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le track, enfin pas le track, mais plutôt le mini-mix. Bah écoute, c'est parti. Hein. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Alors ce soir, mix un peu spécial, pas forcément de la nouveauté. Bah voilà, on va partir un peu dans la préhistoire, à l'époque des tyrannosaures. Oh là là, celle-là. Ah, celle-là. T'as mordu à l'hameçon. Hein. Oui. En tout cas, voilà, quoi, un petit mix bienvenue d'ailleurs, avec quelques classiques house que vous avez pu entendre à l'époque si vous sortez dans les boîtes house, ou même si vous allez peut-être découvrir tout simplement, parce qu'il y a aussi des choses que des petits jeunes qui nous écoutent, hein. N'est-ce pas, voilà. Donc en tout cas, si vous voulez des infos sur les tracks, je ferai un petit track listing à la fin, mais si vous voulez en temps réel les titres, ce sera plus simple d'ailleurs. Vous pouvez nous contacter au 0320 83 57 57, sinon j'allais dire par internet. Mais c'est un peu difficile. Ouais, là en ce moment ça bug. Je sais pas ce qui se passe, C'est le bug de l'an 2000. Et donc voilà, il y aura quelques. J'ai pas encore fait de sélection. En tout cas, j'ai pas mal de choix avec. Si jamais vous avez des titres coup de cœur, n'hésitez pas. Peut-être que j'ai ça avec si vous voulez les entendre. Et donc c'est dans le programme de la prochaine demi-heure. Il y aura un peu de tout, des classiques assez connus, des trucs un peu moins. Hein. Et sélection 100% vinyle en plus. 100% vinyle, ça va craquer. Ça va craquer. J'espère que ça va pas sauter. Ah oui, bon, d'accord. Non, quand même. C'est pas comme un charpé, les vinyles. Oui, bon, c'est sûr. Et en forme, Guy, en forme. C'est parti, les 10 sont placés, là. Bon, c'est bien. Allez, tout de suite, Huganton. C'est parti, on va appuyer sur play. Le mini-mix, c'est en direct sur Galaxy. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter au 03 20 83 57 deux fois si vous voulez connaître les références qui vont être diffusées dans les prochaines minutes. Et c'est mixé par Huggy, c'est jusqu'à 19h. Soul, présenté par Huggy Anton et Guillaume. Earth and Soul. So sweet music. Descendants of slaves are full of music. They laugh music. They walk music. There's music in their hearts. Music in their memories.

Le mini-mix rétro, magistralement orchestré par notre ami Anton depuis 18h. 30, je crois qu'il y en a un qui a dû se lâcher là. Hein, bah, je crois qu'il y en a un qui a dû lâcher la purée là. Pour une fois qu'il la lâche d'ailleurs. Il a mis son casque. On pense à toi, on pense à toi. Je l'ai mis pour toi en plus celle-là. C'était spécialement pour toi. Donc ben, je vais reprendre un peu le track listing de ce qui a été joué depuis une demi-heure. Allez. Donc on a commencé par Mike 303 avec le titre Saint-Sylvestre, c'est dispo sur Versatile. Ça date de d'il y a longtemps. Ça date de 96-97. Ensuite c'était Roy Davis Jr. avec le majestueux Gabriel, qui date de. Pareil, très longtemps. Ouais. C'était dispo sur le label Large Record à l'époque. Uh-huh. Ensuite, un petit remix de Saint-Germain qui était sorti en même temps que l'original. Donc c'était Rose Rouge. C'est dispo en... Bah, je vois 1920, mais c'est dispo en 2000. Avant la guerre. C'était en 2000. Ensuite, le majestueux Chris Cuevas avec le titre Hip Hop. C'est dispo... c'était de 91. C'est dispo sur le label Atlantic Record. Ensuite, c'était le fameux Chez Damier avec le titre Can You Feel It. Can You Feel It, pardon, Filet. J'ai du mal. Dispo en 92. Ensuite, un bon vieux Lil Louis également, dispo sur le Clap Your Hands, dispo sur le label Go Beat de 97. On a fini avec un DJ Spen qui date de 2000, avec le titre Craze at Midnight, qui a été resamplé pas mal de fois. Et enfin, ce que vous entendez derrière, c'est The Chicago Connection, le remix de Mark Grant. C'est dispo sur le label Casual Record. Excellent label. Le meilleur du club. L'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Heart and Soul. Heart and Soul. Allez, on va laisser quelques secondes à Guy pour ravaler sa salive. Et te reprendre son petit boisson orange. Allez, vas-y. Avec le petit rot derrière, ce serait pas mal. On va l'éviter quand même. Non, il va arriver après, Bah, attends, il y en a bien qui font des disques Deep Throat avec Claude Van Strook. C'est vrai. Pourquoi pas? C'est vrai. Il y en a qui s'appellent Gorge aussi. Exactement. Bon, alors, ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a beaucoup de choses. Donc, ça commence quand? Ça commence, vendredi, on va commencer vendredi. Déjà sur le vendredi, samedi, c'est déjà bien chargé. Dans le coin, il y a une rétro rêve d'eau qui se passe du côté du Bar Sicosi avec en invité Mervyn G, Kalki, Tomska et Climax que j'ai croisé à la fête de la musique et qui m'a fait bien plaisir. Donc un petit coucou à toute l'équipe et donc c'est ce samedi du côté du Bar Sicosi. Dans le coin, dans le coin c'est tout. Pour l'instant, le reste, les soirées vous les connaissez, on les passe régulièrement à l'antenne, etc. Ah, exactement. On va pas faire de promo ni d'autopromo, donc on vous laissera Guillaume rappeler ça dans les prochaines émissions, ainsi que Stéphane et Willy, qu'on salue au passage également. Hein. Bien sûr. Bien le bonjour à toute l'équipe. I go back. Donc vendredi 26, du côté de Bruges, une bonne soirée avec la soirée Pitchin. C'est en invité d'Eric Carter ainsi que G-Swing, le boss du label G-Swing d'ailleurs, avec accompagné également de Raoul et de Ricardo, les résidents qui se trouvent. Et donc c'est du côté de Bruges. L'endroit c'est le Concert Gebouw. Donc voilà, si vous connaissez Bruges, en tout cas, ça va être indiqué, donc n'hésitez pas si vous voulez y aller, Derek Carter, c'est du lourd. Du côté de Bruxelles, il y a The Youngsters en live du côté du Club des Halles, avec accompagné d'une bonne poignée de résidents du concept. Du côté du Fuse, c'est une soirée un peu spéciale avec Laidback Luke et Bart Bimore, accompagné de Dave Lambert, etc. Donc ça c'est pour vendredi, donc une soirée qui change un peu habituellement de ce qui se passe au Fuse. Il y a l'inauguration du Théâtre National à Bruxelles avec en invité Fabrice Ligue. Ouais. Donc c'est assez sympa également si vous êtes dans le coin. Du côté du Café d'Anvers, alors là une grosse soirée avec Jules et Dan Genassia. Donc Jules, il n'a pas de label Jules, c'est Dan Genassia qui est le boss du label Freak and Chic. En tout cas les deux compères parisiens, ça risque de bien bouger du côté du Café d'Anvers. Si vous n'avez rien prévu vendredi, n'hésitez pas, entre deux vitrines. Bien sympa d'aller dire bonjour. Tu les aimes bien les vitrines, hein? Bah écoute, c'est ce qui fait le Café d'Anvers, je suis désolé. C'est vrai. Enzo ne va pas dire le contraire, certainement pas lui. Du côté du Rex, c'est la soirée Technorama avec Green Velvet en invité. Donc gros guest pour le Rex. Toujours sur Paris, du côté du Queen, c'est la soirée So Happy in Paris avec Michael Canitro et ses acolytes. Également du côté de Paris, c'est au June que ça se passe avec Ralph Lawson, le boss du label 2020 Vision, accompagné par leurs prods sont terribles, mais en DJ set j'ai jamais entendu. Ça s'appelle Motor City Drome Ensemble. Ils font des sons assez spéciaux, un peu type Détroit, etc. C'est vraiment bien sympathique. Si vous êtes du côté du June sur la capitale, je crois que c'est la soirée à ne pas manquer. Donc bien. Ça c'est vendredi. D'accord, vendredi. Donc, bien chargé. Hein. Autant pour moi d'ailleurs, la rétro rêve d'eau c'est samedi. Pardon, hein. J'ai dit vendredi, mais en fait, c'est samedi. Autant pour moi. Je je m'emmêle les pinceaux. Donc d'ailleurs samedi, bah, y a encore du lourd, hein, notamment on va rester un peu sur la Belgique. Du côté du Nox, il y a c'est le Summer Festival After Party avec Mandy en live, Chris Lake, Letback Luke qui sera, bah, qui fait le tour de la région, hein, accompagné également de Funkerman et de quelques noms belges bien connus pour ne citer que. Du côté du Fuse, ce sera Anthony Rotter en live pour la sortie de son album, accompagné de Moogwump que vous connaissez plus sous le nom de Geoffroy, qui sera lui à l'étage toute la nuit. C'est également la Cosmos pour changer un peu de son, du côté du Voreuil de Gand avec Robert Hood, Marcel Detman et Franco Cangeli. Donc là c'est bien sympathique aussi. Du côté du Colors, encore une fois une bonne soirée qui s'annonce avec la soirée Bobard qui recevra notre ami DJ Grégory, accompagné également des résidents, donc Beverly John et Massimo D'Acosta ainsi que Brandy. Notre ami Moody Monk, dont je vous parlais tout à l'heure en début d'émission, sera du côté du Cube Club, je ne connaissais pas, c'est de à Is The Game, c'est de ne pas confondre avec le Cube. Ouais, non. C'est pas trop la même chose musicalement. En tout cas, c'est donc Moody Monk, pour ceux qui veulent soulever un peu le mystère, si vous y allez d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler mardi pour voir un peu à quoi il ressemble, etc. Il sera accompagné également de Franco Cangeli, qui sera lui, qui se divisera entre le Voreuil et Is The Game. D'accord. Et pour finir, la classique Motown Party du côté du June, avec Alex Finkin et Reverend Pi au clavier, ça promet de bien bouger et ça va rappeler les bons sons de des années du label Motown. Donc voilà, c'est tout pour clôturer le week-end. J'en ai pas oublié, je pense. En tout cas, les meilleures soirées sont là, dans l'esprit musical du coin. Donc voilà, autant pour moi si j'en ai oublié quelques-uns. N'hésitez pas, si vous voulez des infos sur les soirées, à nous appeler pendant la diffusion du dernier track et on vous donnera quelques infos en plus si vous ne connaissez pas les endroits ou si vous voulez tout simplement quelques infos supplémentaires. Voilà, impeccable. Bon, agenda bien chargé. Donc en plus, ça s'annonce bien, c'est l'été, les beaux jours arrivent, barbecue c'est l'occasion aussi de faire perspective. La fête. Ouais. En perspective, faudra fêter le baccalauréat, on l'a placé deux fois. Ah oui, c'est vrai. Pour ceux qui clôturent les examens et tout ça, c'est l'idéal, c'est le week-end pour se lâcher, hein, avant les vacances. On va enlever la burqa du coup. Si on va prendre un peu de soleil, c'est ce qu'il faut faire. Écoute, il n'y a pas de mystère. Bon, allez, tout de suite, les Track Remember, 19h05, c'est quelle sélection, Guy? Donc, c'est 49ers avec le titre Baby I'm Yours, c'est dispo sur le label Heartbeat, track beaucoup joué à l'époque dans pas mal du côté de l'âge des eaux, du côté de la Goa également. C'était, ça va rappeler quelques souvenirs aux plus anciens, ça mettra en forme pour la petite Soul Retro 2. Earth and Soul, tous les mardis de 18h à 19h. Le track Remember de l'émission Heart & Soul, l'avant-dernière de la saison. Rappelle-nous vite fait les coordonnées, mon petit Tuggy. C'est 49ers avec le titre Baby I'm Yours. C'est dispo sur le label italien Heartbeat. D'accord. Est-ce que c'est ressorti en digital, ça, tiens, peut-être? Non. Non. Pas, j'ai pas vu dans les. Peut-être, mais. Donc c'est le bon vieux vinyle. C'est le bon vieux vinyle qui tourne. Qu'il faut avoir, voilà, ah, exactement. Depuis une demi-heure, c'était la dédicace à tous les vinyles. Il en faut aussi. Ah, il en faut, c'est important. Ça donne un petit peu plus de vie, je dirais, à la musique. C'est sûr. Merci, Hugues, encore une fois, pour cette excellente émission. Bah, merci à toi, Guillaume, c'est toujours un plaisir. Avec une petite coupure d'une semaine, on revient encore plus. Et puis bon, la semaine prochaine, c'est la dernière. Ah ouais, attends, écoute, je piave d'impatience de remettre cette petite chanson que j'avais passée en début de. La mer. Début d'émission. Non, mieux. Ça c'est pour toi Enzo. Et il joue ça en plus Enzo, tu joues ça toi? Bah si c'est bien olé olé, ça bouge. À l'expo de Mons. Il faut faire le warm-up avec ça. Avec la fouine. Wow. Bon allez, on se retrouve donc. Attends, laissez chanter en plus. T'as entendu? Ah oui. Ah, c'est beaucoup de trucs comme ça en plus, vraiment. D'accord. Non, ouais. Bon, c'est bien. Il y a des trucs à sampler, hein. Il y en a qui vont peut-être faire des tubes de ça. Hein. Ah bah c'est possible. Ça ressemble à Samim, hein. Il y a peut-être, Ah oui, bah tu dépitches un petit peu et c'est bon. Accordéon et puis voilà quoi. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine donc pour la dernière émission Heart & Soul. Guy passe une excellente semaine. On se voit pour la soirée trop ce samedi à l'Escape. Avec une bande de citronnés au complet. C'était pour Christophe ça. Allez, bonne semaine. Allez, à mardi prochain, Guillaume. Ciao, ciao. Heart & Soul, présenté par Guy Anton et Guillaume. Heart & Soul.